Un peu trop rebelle, un peu trop tête de mule. Pour subir la vie je danse, la bouteille en main, en plein champ de bataille. Pas de quoi être en pagaille, encore envie dans cette ambiance rue, donc je suis taille. Truc de fou car on l'est tous. Le nombre de joints fumés dans la journée s'entend à la toux. Ghetto youth, on est out, plus rien à foutre. Du moment qu'on nous, on se barre au bled, plein de cadeaux dans la soute. Moi je veux pas d'argent, c'est mes besoins qui en veulent. Ça devient urgent, si c'est pas Sam, c'est que je suis pas seul. Amour, argent et foi, plus nous tous réunis. Mélange un peu tout ça, quelle belle image comme un peu seul. En attendant, on en parle, mais rien ne se fait. 23 piges, je me sens vieux, comment ça se fait? Épinay, Orgemont, un hall, des Red B, des Rod Cav, là le résumé de mes plus belles années. Envie de partir loin, desserrer les poings, profiter de mes galons, des gros guns parmi les miens. On veut s'en sortir, mais nos rêves sont déportés. On nous enferme pour qu'on se taise ou qu'on crève sans exister. Envie de partir loin, desserrer les poings, profiter de mes galons, des gros guns parmi les miens. On veut s'en sortir, mais nos rêves sont déportés. On nous accepte pas, alors à quoi ça sert d'insister? Aussi fragile que de penser, l'espoir me fait chanter, j'ai passé tant d'échecs. Trop de choses à dire pour m'échapper des chaînes. Rose en argile, près d'asile en mur de béton. Où le passé rattrape les victimes de l'hécatombe. Les secondes passent au fond du puits dans l'engrenage. Le miroir se casse parce qu'on l'est tous vu avant l'âge. On réalise que nos voyages ont dérivé. Triste train de vie vu qu'on est loin d'y arriver. Là où j'irai je sais que les miens me suivront. Peu importe le reste, je déteste ces vallées de goudron. La ville est aride et le destin est en rade. Tu meurs pour ta rue car la ruse a pris du crâne. Qu'est-ce qui t'arrive d'exister de tétanise? On a trouvé le karcher, mais c'est les cités qu'on dératise. On donne pas cher de notre poids à notre âge. On a crié notre âge à la sortie du vagin. Envie de partir loin, desserrer les poings, profiter de mes galons, des gros guns parmi les miens. On veut s'en sortir, mais nos rêves sont déportés. On nous enferme pour qu'on se taise ou qu'on crève sans exister. Envie de partir loin, desserrer les poings, profiter de mes galons, des gros guns parmi les miens. On veut s'en sortir, mais nos rêves sont déportés. On nous accepte pas, alors à quoi ça sert d'insister? C'est pour quand le grand départ? En famille, j'ai mis tellement de joie de côté que j'ai de quoi dépenser, déprimé, non loin de là. J'me dis, j'peux y aller, à plein de sommes dans le réservoir. La vérité carbure à la douleur. Allô, vide, rêve ici, la rue, la vraie. Trop parano, c'est par ici qu'on te trahit sans être navré. Y'a tellement de choses à narrer, y'a tellement de choses qu'on a ratées. J'ai du vice à fond car l'échec veut me choper. J'avais du mort dans mes répliques alors j'ai enrichi mes phrases. Regarde où j'en suis depuis le départ de ma case. De nature calme, pourtant la peine est quotidienne. Alors on stagne, le temps que nos vies nous appartiennent. De voyages légers, de voir nos sens allégés. De découvrir la terre, plein air, de montagnes enneigées. Je rêve d'un autre monde, mais utopique est la réalité. Rendez-vous compte qu'on est tous dans la fatalité. Parmi les miens. On veut s'en sortir, mais nos rêves sont déportés. On nous enferme pour qu'on se taise ou qu'on crève sans exister. Envie de partir loin.